Je salue chaque frère et chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue également des frères et des sœurs qui nous suivent en ligne. Mais aussi, je les salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans tarder, nous allons nous lever pour lire Wafalme wa Pili, sura 17. Msari ya mnane. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Basi neno wa milele ikanielekea mumisemo hiyo. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Lamuka wende Sarepta yenye kwa pembeni ya Sidoni. Et demeure là. Na ukae kule. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Tazama na lazimisha mwanamke muyane apate ukulisha. Niko na Luka. Je vais sauter. Verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Nakaenda nakufanya kufatana na sauti ya Elia. Et pendant longtemps, Élie de quoi manger. Na muda mrefu akakuwa na chakula. Elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Yeye pamoja na jamaa yake na pamoja na Elia. La farine qui était dans les pots ne manqua point. Mbunga bule burukwa mu mtungi abukumalizike kamwe. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Pamoja na mafuta ilikuwa mu kundulia ikumalizike. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Kufatana na neno ile Yehova alisema kupitia Elia. Mungu Baba, tunakupikia asante. Dieu notre Père, nous te disons merci. Asante kwa kutukaburia siku ya leo. Merci pour la journée. Asante kwa kuongoza mikulu yetu hapa. Merci pour avoir conduit nos pas jusqu'ici. Seigneur, ma disposition yote leo tupatia mzuri Seigneur. Bwana, pour toutes les bonnes dispositions que tu nous as données. Seigneur, tuko na kulomba upate kutusaidia. Seigneur, nous te demandons de nous venir en aide. Wakati tuko na kuya mafuashi ya hivi. Lorsque nous venons en ces lieux. Nijue Mungu upate kutuonesha mapenzi yako. C'est pour que toi Dieu tu puisses nous montrer ta volonté. Haina kusema tunakosa kazi. Ce n'est pas que nous manquons quoi faire. Mudunia mutuko naishi. Dans ce monde où nous vivons. Mungu mambo mingi. Il y a beaucoup de difficultés. Wakati tuko na kukimbilia we Mungu. Mais lorsque nous accourons à toi Dieu. Nijue tufanye kuya ba Kristo babia kweli. C'est pour que tu fasses de nous de véritables. Si dans notre vie il y a des choses qui ne sont pas correctes, nous voulons que tu puisses nous les montrer afin que nous puissions les réparer. Parce que nous vivons dans des mauvais jours. Nous venons de lire ta parole. Toi qui es l'auteur de cette parole, puisses-tu leur donner la vie. Souviens-toi de chaque frère, souviens-toi de chaque soeur, souviens-toi de notre berger qui est en voyage. Ainsi que son épouse, nous tous nous abandonnons entre tes mains, en prier avec foi parce que nous te connaissons. Au nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amina. Nous parlons sur le sujet Nyengo Kuitwa, Mwe na Uhakika ya Mungu. Ni kitu kya mafaa sana kuya na hakika ya Mungu. C'est une bonne chose d'être certain de Dieu. C'est-à-dire l'homme, lorsqu'une personne croit, le Dieu du ciel qui t'a sauvé, qui t'a appelé à la foi, il place dans les chrétiens la chose qu'on ne peut pas trouver dans toute autre personne. Et cette chose que Dieu place dans les chrétiens, c'est ce qui va les aider dans leur séjour sur la terre. Na kama tu Mungu anakuita. Et si réellement Dieu t'appelle. Kama réellement ni Mungu alikuita. Si réellement c'est Dieu qui t'a appelé. Na wewe ukaamini. Et que tu as cru. Unapaswa kumtumainia. Tu dois espérer en lui. Unapaswa kumtumainia, haina kusema kitumaini kia mumawazo. Ce n'est pas une espérance. Uko na mtumainia Mungu. Tu espères en Dieu. Na roho yako yote. De tout ton cœur. Na akili yako yote. De toute ton intelligence. Na uko naweka confiance ya mingi sana. Et tu places assez de confiance. Mubile Mungu alisema. Dans ce que Dieu a dit. We mwenye kuyua ya kusema. Connaissant bien que. Hakuna kintu hata mo kile Mungu alisema. Il n'y a rien que ce que Dieu a dit. Kile kinaweza kupita. Qui peut passer outre. Na ile kitumaini kile. Et cette espérance là. Kinegalaka paka ndani ya watoto ya Mungu. Elle se retrouve seulement dans les enfants de Dieu. C'est pourquoi utaona mu Biblia. Pourquoi vous verrez dans la Bible? Comment nous sommes en Hébreux chapitre 11? Si vous lisez moi Hébraïens sur la commune moche. La Bible dit ceci. Où mon Hébreux chapitre 11? Moi Hébraïens sur la commune moche. Bible qu'on a semaïvi. La Bible dit ceci. Bible il n'est qu'là dans ma détail moya. La Bible a des détails. Comment on a somme un esprit à méditation? Si vous lisez avec un esprit de méditation à Kufikili, vous comprendrez qu'il est Mungu qu'on a sema. Vous comprendrez ce que Dieu dit. Comment on a dit à mon verset 1, même nous on a besoin d'un verset 6. Si vous commencez même par le premier verset, mais moi je vais commencer par le sixième verset. Bible qu'on a sema. La Bible dit ceci. Mon verset à 1. Premier verset. Or la foi. Japo imani est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ni hakikisho ya nguvu yule ya bitu bila tunatumaini. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Kuonekana kwa bitu visipoonekana. Mtaweza kusoma vile vingine. Verset que sisi kunasema. Verset 6 dit ceci. Oh, japo sans la foi, bila imani, il est impossible de lui être agréable. Haiwezekane mumpendeze Mungu. Pourquoi? Dieu a nini. Il faut que celui qui s'approche de Dieu. Il n'a pas joué à mukaribia Mungu. Croit que Dieu existe. Amini ya kwamba Mungu eko. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Na Mungu njo wa kulipa bale bote bana. Kama unasoma hii andiko. Si tu lis cette écriture. Biblia iko nasema. La Bible dit. Il faut. Il n'a pas. C'est une obligation. Ni mapashwa. Ni kusema kila ndugu na kila dada. Chaque frère, ule kona mkaribia Mungu. Celui qui s'approche de Dieu. Uyu aliumba mbingu na dunia. Qui a créé le ciel et la terre. Anapashwa. Il doit. Kuamini ya kusema Quarque. Mungu e kwako. Dieu existe. Aina kuamini sa vile bantu bote banaamini yaka. Ce n'est pas croire de la ni même kuamini munamna ya kusema. C'est croire de la kama manière. Kama Mungu anasema kintu. Si Dieu dit quelque kile chose. Kile kintu kitafika paka vile Mungu alisema. Certes la chose s'accomplira telle que Dieu l'a prononcé. Ndio ile imani ya mwile niveau. C'est ça la foi de ce na Biblia iko nasema. Même la Bible. Il faut nécessairement. Il n'a pas hakika. C'est lui qui s'approche de Dieu. Crois que Dieu existe. Amini ya kwamba Mungu yuko. Et qu'il est le rémunérateur. Na Mungu njo ula nalipaka. Ni kusema wakati unakuya kuimani. Lorsque tu viens à la foi. Unapasha kuya na hakikisho. Tu dois avoir une assurance. Ile hakuna mtu ule atakutenkesha. Là où personne ne peut pas te bouger. Hakuna kintu kitakutenkesha. Il n'y a rien qui peut te branler. Ikuye magumu. Que ça soit des difficultés. Ikuye njala. Que ça soit la famine. Ikuye bantu banaanza kwa kusema bintu. Que ça soit même si les gens commencent à dire contre na kile Mungu anasema, qui sont contraires à mais ce que tu dis. Imani yako, mais toi, il y a kuna mutu ataibouger. La certitude qu'aucune personne ne pourra te bouger. Na mukristo anapasha kuya vile. Un chrétien doit être ainsi. C'est une obligation. Ni mapashwa. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Mukristo wote anapasha kuya vile. Unapasha kuya na hakikisho. Doit avoir l'assurance. Unaona mambo ya Mungu. Dans la parole de Dieu. Aina bien kuweka kitumaini kiako mba pasteur. Ce n'est pas bien de placer ton espérance dans le pasteur. Au mba prédicateur. Dans le prédicateur. Ah, non. Mu mambo ya Mungu. Dans la parole de Dieu. Kuko vitu vingine Mungu anaweza kufanya mu maisha yako. Il y a certaines choses que Dieu peut faire dans ta vie. Bien yabi dépend na bahubira au na batumishi. Qui ne dépendent pas de serviteur de Dieu ou de pasteur. Parce que tout pas moyen. Sommes-nous ensemble? Kila ndugu na kila dada. Chaque frère, chaque soeur. Anapasha kuya. Il doit être. Na onjo fulani mu maisha yake. Il doit avoir une certaine expérience peke. Personnel. Il est qu'on a moi qui kishia. Qui l'a su. Ya kusema ni mu Kristo. Qui est certain. Ni mutoto wa Mungu. Certain. Na wakati kuna tembea vile. Lorsque tu marches. Ndani ya imani yako. Dans ta foi. Uko na yua ya kusema. Tu sais bien. Ule Mungu arinita. C'est Dieu là qui m'a appelé. Asibadilike. Kama anasema kintu kitafika paka vile alisema. Certainement ça va s'accomplir. Yo vile ba Kristo banatembea. C'est comme ceci que les chrétiens doivent marcher. Musafari ya imani. Dans la marche chrétienne. Na kila ndugu na kila mtoto wa Mungu. Chaque frère, chaque soeur, tout enfant de Dieu. Anapasha kuya na ile hakikisho. Il doit avoir cette assurance. de ce Dieu-là qu'il a appelé. Si aujourd'hui vous voyez des églises sont devenues froides, les choses ne marchent pas. C'est parce qu'une foi pareille, c'est ce qui n'existe plus dans les gens. Voilà la difficulté. Que Dieu vous bénisse. La foi pareille. Là où quelqu'un qui vit, c'est-à-dire dans toute sa vie, c'est Dieu-là qui m'a appelé, ne ment jamais. Aujourd'hui, les gens considèrent Dieu comme un menteur. Non, mon frère. Notre Dieu ne ment jamais. Si les gens prennent la parole de Dieu superficiellement, en réalité, c'est parce qu'ils n'ont jamais fait l'expérience avec ces dieux. C'est la vérité. Nikueli. En dehors d'écouter la parole, en dehors d'écouter la parole, en dehors d'être membre de kanisa, en dehors d'être membre de kanisa, il y a autre chose que quelqu'un peut recevoir dans la marche, c'est de croiser ces dieux ici de la Bible, les rencontrer. En dehors de la prédication que tu écoutes toujours, la communion fraternelle que tu écoutes toujours, kanisa kubiri kuyatiatre au kuimba chorale andeori ya bile bitu byote kila mtu pa upeke anapata kukutana na Mungu wa kweli. Il doit rencontrer ce Dieu vrai. C'est la vérité. Ni kweli. Il faut. Il n'a pas. C'est une obligation. Il ne m'a pas. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, il n'a pas choulé na mukaribia Mungu, croit que Dieu existe. Amini ya kwamba Mungu yupo. Aina sema utaamini juu mimi nasema. Ce n'est pas que tu vas croire parce que moi je viens de l'église. Hapana, utaamini. Tu crois. Ni juu ule Mungu wewe unamjua. Parce que ce Dieu là toi tu le connais. Na frère Branham même unasema. Et frère Branham dit kile kiko nafanya bantu bashikwe na ile imani ya ile namna. Ce qui fait que les gens n'ont plus une foi pareille. Et voilà c'est mon message intitulé la foi. Il dit moi ujumbe nyi kuitwa imani. Prêché le 29 décembre 57. Ya mu le 29 décembre 1957. Tu veux page Jacques 6. À la page 6. Frère Branham kuna sema hivi page 6 kule kumwisho. Page 6 vers la fin, frère Branham dit ceci. Anasema hivi. Il dit ceci. Il nous faut avoir une expérience. Il n'a pas kuwa na onjo. Avant que la foi se puisse accomplir beaucoup de choses. Mbele ya imani ipate kutimiza vitu vya mingi. Inatupasha. Il nous faut. Hakuna namna mimi kuexplique experience. Il n'y a pas moyen d'expliquer les expériences ma. Mais inatupasha kila mtu, kila ndugu na kila dada. Il faut chaque frère, chaque sœur. Kufanya experience ya kweli. De faire les véritables expériences. Tu as kusema imani. Pour que la foi itimize vitu vya mingi. Puisse accomplir beaucoup de choses. C'est la vérité. Ni kweli. Par conséquent, Dieu a il est. Les gens devraient être sauvés premièrement. Watu kwanza baripashi baokole wembele. Est-ce que tu es pamoja? Sommes-nous ensemble? Asema mbele kwanza bantu baripashi kokolewa. Avant tout, il faudrait que les gens soient parce que wokovu, sauvés. Parce que le salut. Mtu anekalaka mkuyonja. L'homme l'expérience. C'est la vérité. Ni kweli, l'homme l'expérimente. Kama mtu anaonja wokovu. Lorsque une personne expérimente le salut. Anakuya na ile imani ya Biblia. Il a maintenant cette foi-là de la Bible. C'est la vérité. Nikweli. Les gens devraient être sauvés premièrement. Bantu kwanza baripashe kuokolewa mbele. Ils viennent à Dieu. Wapate kumkaribia Mungu. Et ont une expérience du salut. Wapate kuwa na onjo ya wokovu. Avant de s'approcher de Dieu. Mbele ya kumkaribia Mungu. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Nikweli. Baripashe mbele kuonja Biblia, kuonja Mungu. Ils doivent d'abord expérimenter Dieu de la Bible. Kuya na hakikisho. Avoir la certitude. Wakati mambo yote tafika. Lorsque n'importe quel problème peut surgir. Frère Branham donne l'exemple de David. Frère Branham donne l'expérience de David. David alikuwa mtoto kwa nachunga makondole ya baba yake. David était un gamin qui gardait les troupeaux de son père. Siku moja ours anakuya. Un jour l'ours est arrivé. David anaenda na bamba ours anaua. David est allé prendre l'ours, il l'a dévoré. Siku nyingine lion inakuya. Un autre jour le David anaenda na bamba anaua. David est allé saisir les lions là tué. Mais un autre jour a surgi Goliath. David a comprendra. Il avait compris. Ya kusema kule kumirima. Là à la montagne. Lorsque j'ai tué l'ours. J'ai tué aussi les lions. Il y avait une autre puissance qui était sur moi. Que Dieu vous bénisse. Il expérience y a vu les frères. Cette expérience là. Il expérience y a vu les dada. Cette expérience là. Mutoto yote ya Mungu anapasha kuya nayo. Tout enfant de Dieu doit l'expérimenter. C'est la vérité. Mbiakweri. Ce n'est pas question seulement d'écouter la prédication. C'est question d'expérimenter. C'est pourquoi Goliath a été présenté. Lorsque Goliath s'est présenté, tous les enfants d'Israël, mais David parle à Rikouya. Mais lorsque David est arrivé, il a regardé à Goliath. Mais pourquoi Israël a peur? Il y a des capitaines. Il y a des généraux. Il y a des grandes personnes. Mais pourquoi ils sont agités? David a dit non. Il y a quelque chose qui ne va David pas dans les camps. David est allé voir les rois. Moi que vous voyez ici, je vais tuer cet homme. Il n'y a pas de quoi. Il a expliqué ses expériences. C'est la vérité. Nicoli. Après avoir expliqué cette histoire très bien, vous connaissez très bien cette histoire. Lorsque David affrontait maintenant Goliath, ce qui lui donnait l'assurance, ce ne sont pas des lances David, quoi que ce soit. En David, il s'est souvenu à la montagne. Il y a Seigneur qui m'a visité, j'ai tué les lions. Ours. J'ai tué même l'ours. C'est même Dieu. Il m'aidera aussi à tuer ces Goliaths. David n'avait pas peur. C'est la vérité. Nicoli. Parce que Arikuya certain à oule mungu. Il était certain de ces dieux-là. C'est Dieu-là en qui nous croyons, mon frère. Ce n'est pas un Dieu historique. Aïe la mungu a dit si apana. Il n'est pas un dieu à moi. Dieu avait visité seulement David. Dieu avait fait traverser seulement les enfants d'Israël. Ce sont des choses que Dieu avait fait il y a longtemps. C'est Dieu là de David. C'est Dieu là de Moïse. C'est Dieu de Branham. C'est le même Dieu pour lequel nous nous réunissons aujourd'hui. C'est la vérité. Cette parole qui est prêchée ici, c'est la même il parole. Ils ont prêché du temps. Paul ont prêché. Cette parole de vérité. Cette parole de vérité. Si elle est prêchée, toute sa vérité. Elle garde en la puissance divine. C'est la vérité. Nicoli. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu paraît comme si elle n'a plus un gouffre, elle n'a plus son efficacité. C'est parce qu'il n'y a plus de chrétiens sur la terre. C'est ça la difficulté que nous avons. C'est la vérité. Nicoli. Il n'y a plus de chrétiens, de croyants véritables. Il y a seulement des membres d'église qui affluent. Des gens qui aiment plus l'église, de plus que Dieu. Dieu se comporte ceci. Lorsque vous vous intéressez à lui, lui aussi s'intéresse à toi. C'est comme ça que Dieu se comporte. Parce que nous les humains, nous ne voyons pas. Jamais. Tu peux fournir tout ton effort pour convaincre Kanisa. Que tu puisses convaincre l'église que tu es un chrétien. Mais il y a seulement un endroit que tu ne peux pas savoir. C'est dans ton cœur. On ne peut pas découvrir ce qui se trouve. Mais Dieu, lui, connaît tout. Il connaît même ton cœur. Il sait que ce qui fait que tu ne persévères pas. Il connaît même les raisons qu'il y a. Dieu connaît les raisons. Les raisons que Dieu a pour ne pas avoir du zèle à l'église. Dieu connaît même la raison pour laquelle la raison pour laquelle tu fais tout travaux à l'église. C'est la vérité. Mais les gens, eux, ne connaissent pas Dieu seul. C'est Dieu-là qui connaît dans les secrets. C'est celui-là qui fait. Lui aussi s'intéresse à lui, à la personne. C'est comme ça que Dieu se comporte. C'est la vérité. Nicoli. Dieu connaît. Il connaît tout ce que les gens font. C'est la vérité. Nicoli. C'est parce que les gens manquent la foi. Les gens n'ont pas le salut. Le véritable salut dans cette âge, il est devenu akutafutisha. C'est pourquoi vous voyez l'église est devenue toute froide. Amen. Même pour ponctuer par amen, c'est devenu difficile. Amen et tu amen. Juste amen. C'est compliqué. C'est la vérité. Nikweli. C'est pourquoi vous entendez du temps de la Bible. Jésus, Jésus disait. Jean chapitre 6. Yohane sura sita. Jean chapitre 6. Yohane sura sita. Jésus, Jésus dit ceci. Verset 44. Bible la Bible dit ceci. Nul ne peut venir à moi. Hakuna wa kuja kwangu. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Kama baba ule alinituma kwanza ashimuvute, ashimuite. Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Mui mambo ndugu na dada. Dans cette affaire, mon frère. Iko nalomba intervention ya Mungu. Ça demande msaada de Dieu. Na huyu baba Yesu yuko nasema hapa. Ici, cet homme que je suis ici, ni Roho Mtakatifu. Hakuna mtu anaweza kukomprendre hivi bintu. Nul ne peut comprendre ces choses. Kama Mungu asimsaidie. Si Dieu ne l'aide pas. Hapana frère. Non mon frère. Hapana dada. Non ma sœur. Utajiuliza. Tu vas te poser des questions. Wakati ya Bible. Du temps de la Bible. Mungu ba pagano tu. Il y a des païens. Mais mumashiku yabo. Mais dans Barivumbulaka ya kusema Mungu anatutumia Masia. Dieu nous a envoyé. Mungu anatutumia nabii. Dieu nous a envoyé. Mungu anatutumia fulani. Ni juu ya nini? Pourquoi? C'est parce que bale bantu. Parce que c'est Jean. Kwanza mumioyo yabo. D'abord. Barikuwa na besoin na Mungu. Ils avaient au début là les besoins de Dieu. Barikuwa anahitaji Mungu. Ils avaient besoin de Dieu. Na Mungu mkuona ile kiu ilikuwa maroho yabo. Et Dieu envoie la soif. Ile njala ilikuwa maroho yabo. La faim qui était dans. Kama Mungu anaona ile hali mu maisha ya mtu. Si Dieu voit cette soif. Mungu na yeye anajifunua kwako. Dieu aussi va se révéler à toi. Mungu ndo anajifunuaka. C'est comme ça que Dieu se révèle. Mahubiri naweza kuhubiriwa. La prédication peut être donnée. Mahubiri banaweza kudefiler na kudefiler. Les prédicateurs peuvent défiler. Mais Dieu a kusema kitu kimoka kimungu. Mais pour qu'il y ait la chose surnaturelle. Kifuanike mu maisha yako. Il faut s'opérer dans ta vie. Il faut ile roho ya Mungu. Il faudrait que cet esprit. Yenye kona tuma bahubiri. Il envoie des prédicateurs. Il faut mule ke mu roho yako. Il découvre que dans. Muna lamuka kiu fulani. Il s'élève une soif. Muna lamuka njaa fulani. Il s'élève une faim quelque. Il a besoin d'un secours divin. Il a besoin de intervenir. Dieu peut aussi intervenir. Il n'a pas le choix. Il faut. Il a tout. Sinon, la vie va tout banaïka là. Ouais, tel que les gens sont assis. C'est Dieu qui connaît le cœur. Chaque jour, il vient à l'église, il écoute et puis il rentre. Mais, on a changé la fin de 10 ans. Vous serez étonné, il fait 10 ans, 15 ans. Mungu wa mumbingu. Le Dieu du ciel. Ashifanye kitu mu maisha yake. Il ne fait rien dans sa vie. Mungu ndiye anayuaga vitu vyote. C'est Dieu qui connaît toutes choses. C'est la vérité. Ni kweli. C'est pourquoi kila ndugu na kila dada. C'est pourquoi chaque frère. Hata wakati unakuwa kuimani. Même lorsque vous venez à la foi. Unapaswa kuya na angarishisha sana. Tu dois d'abord examiner. Bila wewe huko na kombania ni nini? La chose pour laquelle tu te bats c'est quoi? Huko na kombania nini? Pourquoi est-ce que tu t'efforces? Kile kikuleta hapa ni nini? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Na kile kiko kifukuzio mu maisha yako ni nini? Et quel est ton objectif dans ta vie? Huko na kombania nini? Pourquoi est-ce que tu te bats? C'est la vérité. Ni kweli. Chez tout à quoi mutu wa bien? Nous te considérons comme quelqu'un de bien, un chrétien. Mais mule muro yako. Mais au fond de ton cœur. Tu connais la chose que tu poursuis. Pengine kuna kombania bukweli. Peut-être tu poursuis le mariage. Pengine kuna kombania mari. Peut-être tu poursuis. Pengine kuna kombania vieo. Peut-être tu. Pengine kuna kombania tufumu. Bantu abata yua. Mais Mungu yatayua. Mais Dieu lui seul sait. Mungu yatayua. Dieu seul sait. C'est la vérité. Ni kweli. Il faut que vérifier ça. Il faut beaucoup examiner. Qu'est-ce qui est dans ta cœur? Si tu as d'autres objectifs. Inje ya wokovu ya nafsi yako. Du salut de ton âme. Ni signe kunaonesha wajiwaji. C'est un signe qui prouve. Ya kusema wewe bado kuokolewa. Tu n'es pas encore sauvé. Mutu kama anaokolewa. Parce qu'une personne est sauvée. Bifukuzio biake. Ses objectifs. Ni kumpendeza Mungu. C'est plaire. Na kufanya mapenzi ya Mungu. Et faire la volonté de Dieu. Mais si tu vois, toi-même, tu t'examines. Tu examines ton cœur par tous les sortes. Tu examines un peu les objectifs de ton cœur. Tu sauras si tu es réellement chrétien ou pas. C'est la vérité. Hier, nous avons parlé sur l'histoire de l'idolâtrie. Nous avons dit que Kwabutu Kwasanamu, ce n'est pas une bonne chose. Et même dans cet âge, nous avons reçu la révélation. Toute chose que tu mets avant toi, ça devient ton idole. Maintenant, si vous examinez du temps de la Bible, chaque fois que les peuples de Dieu Israël, ils introduisaient Kwabutu Kwasanamu, Dieu les abandonnait. Ils ne les supportent plus. Si vous examinez dans ce monde, il n'y a personne de toute la nation que Dieu a aimé comme Israël. Vous connaissez très bien cette histoire. C'est la vérité. Nikweli. Kama Mungu anaremarke, si Dieu remarque, anaona kusema, il découvre. Abantu banakuwa na bitu bile biko na privilégié. Ces gens ont d'autres privilèges. Mungu. De plus que moi, Dieu. Mungu asiweze kukusupporter. Dieu ne peut pas te supporter. Asiweze. Il ne peut jamais te supporter. Ata uko dada wa bien. Même si tu es une sœur là bien. Uko frère wa bien. Tu es un frère là bien. Uko ata mubiri. Tu es même prédicateur. Aina mambo. C'est pas grave. Il a une mambo. Ça, c'est pas grave. Dieu peut te laisser continuer même à prêcher. Dieu peut te laisser continuer. Dieu peut te laisser continuer. Mais il t'abandonne, il te laisse. C'est la vérité parce que la Bible dit. Parce que la Bible dit. Il y a beaucoup de gens qui diront, moi j'avais prophétisé, j'avais fait beaucoup de miracles. Mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous comprendre ça? Quelqu'un peut prophétiser, il peut même occuper des fonctions dans l'église. Mais il n'a pas Dieu malgré tout ça. Parce que comment il croit que ma bande tout le monde est dans la tumeur. Ah, s'il était question que tous ceux-là qui ont des fonctions dans l'église ont Dieu. Alors au ciel, on pouvait manquer même de place à placer les gens. Tous ces gens qui sillonnent ici même des défunts au nom de Dieu en train de monter, de gravir, ils devaient aussi aller au ciel. Tous ces gens qui ont érigé des bâches parce que toutes ces choses qu'ils font là, c'est au nom de Dieu. C'est la vérité. Ils citent le nom de Dieu. Ils prient sur les malades, les malades. Ils opèrent même des miracles. Aïna mambo. Ce n'est pas grave. Toutes ces choses-là, quelqu'un peut les faire. Mais néanmoins, il n'a pas Dieu avec lui. Mambo ya Mungu, frère. Vraiment, dans la parole de Dieu, c'est compliqué. Nikweli. Kama bantu, frère. Si les gens. Parce que ceux qui se font dans le cœur des gens, Mungu ndio anabiwa. C'est Dieu seul qui les connaît. C'est la vérité. Nikweli. Mungu yako na sonde kila esprit. Dieu sonde. Kila roho ya kila ndugu na kila dada. Esprit de chaque frère et chaque sœur. Na Mungu kama anafuyé. Si Dieu fouillé dans. Yako na ngaria ni nini wewe uko na privilégié. Tu vois quel est ton objectif? Qu'est-ce qui est en première place dans ta vie? Parce que kama leo hii, frère. Si aujourd'hui mon frère. Kufika paka na leo. Jusque même à aujourd'hui. Dans ton cœur, tu es très conscient. Tu n'es baptisé du Saint-Esprit. Tu n'es même pas baptisé du Saint-Esprit. Les gens peuvent t'appeler bien chrétien. Et dire même que ses frères ici, vraiment, il a un bon témoignage. Mais la Bible, elle dit, ce n'est pas grave malgré tout ça. C'est la vérité. Nikweli. Ce n'est pas grave. C'est pourquoi on en a, frère. C'est pourquoi vous voyez mon frère. Il ne faut pas rester seulement. Dieu a témoignage à Bantu. Pour les témoignages des gens. Où les mourons y a comme où les. Dans ton cœur. On n'a pas chacun convaincu. Tu dois être. Il y a tous ces maux comme toi, toi, mon. Que tu es réellement un enfant de Dieu. Quoi ouais péché. Seul. C'est la vérité. Nikweli. Bantu on a besoin de combien c'est ça. Les gens peuvent te dire. Ah ou d'ailleurs ni mon Christ. C'est frère, cette sœur-ci c'est une. Mais où les mourons y a comme où les. Mais au fin fond de ton cœur là. mapana. Toi tu refuses que non je ne suis Muro. Pas. Sincèrement je ne suis pas chrétienne. Mula Muro, Roy na kwambia sema. Au fond de ton cœur refuse. Ce qu'ils disent là c'est faux. Mais au tas c'est moté kala kimi. Tu peux pas le dire mais tu vas ndugu mingi na madada ba mingi. Il y a beaucoup de frères. Ata hivi sauti ya Mungu iko na ubiri. Malgré que cette parole. Mula Muro yabo. Beko conscient kusema sema hapana. Mixi ya kuya mu Kristo. Encore chrétien, moi je ne suis pas encore devenu chrétien malgré tout ce qu'on dit ici. C'est la vérité. Ni kweli. Bile ni bia kweli sana. Ça c'est vraiment la vérité. Aibi ni bia kweli. Ça c'est vrai. Ko bantu vile. Il y a des gens qui sont ainsi. Wakati wanasema sema. Lorsqu'on dit que ba Christo, des chrétiens, batoto ya Mungu, les enfants de Dieu, mule muro yake mule. Au fin fond de son cœur. Anasema pana mimi siapo. C'est que non, moi je ne suis pas encore devenu chrétien. Mais kama anambia sema ba Christo ba pite huko. Que les chrétiens viennent un peu de ce côté. Juu, il va passer de ce côté à cause de la honte. Il va passer aussi. Si on posait la question, qui sont tout le monde va les faire. Mais nombreux d'ailleurs, il y a un esprit qui va leur dire non, baissez la main. Mais il ne va pas baisser la main. Il y a quelque chose qui lui dit. Pourquoi tu trompes? Toi, tu n'es pas encore né de nouveau. Même si les gens te disent que tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Mais les témoignages là qui s'élèvent dans ton cœur, Dieu les connaît. C'est la vérité. Nikoli. Comment réellement tu étais né de nouveau? Si réellement tu étais né de nouveau. Pourquoi réellement dans Saint-Esprit? Réellement tu avais le Saint-Esprit. Yako. Dans ton. Muri pasa kulamuka imani asipo kutenka. Devait se lever une foi inébranlable. Pasa kulamuka imani asipo kutenka. Une foi inébranlable devait se lever. Mais ça vient tout connaître mon kizazi kile. Muko absence totale. Nous vivons dans un âge où il y a absence totale de la présence de Dieu dans la vie des gens. Mon maisha ya bantu bana na maisha ya Mungu. Absence totale. Hakuna kabisa kabisa. Ya bujima bwa Mungu. De la vie éternelle. Mon maisha ya bantu. Dans la vie des gens. Bantu bana bakia tellement ba hypocrites. Les gens sont restés seulement bana fiki ba mauso mbili. Na ba pende kusemia pa ile mamu. Et ils ne veulent pas qu'on en parle. Kama una touché pa ile point. Dès que tu touches à ces points. Amu maroi na bana shirika. Même dans leur cœur là, ils sont furieux. Ataka mna shirika tutendelea siku kusa. Même si vous vous fâchez, nous allons continuer à prêcher. Ola kubembelesha. Au lieu de te dorloter. Oui, c'est la vérité. Dio ni kweli. Iki zazi tuko naishi. Dans cet âge où nous vivons. Ni kizazi kia utombozi ya niveau ya yulu. C'est dans un âge où il y a la séduction de haut niveau. Shetani. Satan. Il a beaucoup d'adeptes, qu'on a pas même baba mingi. Nikizazi qui a cédé. Comment on kuna kwanya misa? Si tu fais seulement de la blague, tu joues. Où t'as potelé à part pas voici où quoi qu'on a obéi. Ah, tu vas te perdre tout en étant à un endroit là où la vérité est prêchée. Pas à part où quoi qu'on a obéi. Seulement là où la vérité. Tena où quoi qu'on a mufu anana na plan ya Mungu. Et la vérité qui se ressemble. Mui kizazi qui a la audikia. Tu vas permettre bantu ba échapper au kasirani ya Mungu. Permettre que les gens. On a ouais d'abord tu retrouves pas il est voici. Mais on a dit tout comme on fait. Mais tu vas te retrouver en enfer. Malgré tout cela. Amuyebu bukalamushi ba shetani bweki kizazi. Vous ne savez pas la ruse de Satan dans cet âge. Mambo munene ni kila ndugu na kila dada. C'est important, c'est pour que chacun vérifie bile biko na pita mu roho yake. Il vérifie tout ce qui se passe dans son cœur. C'est la vérité. Ni kweli. Unaona mwiki kizazi. Voyez-vous dans cet âge? Jésus alianza kusema hivi Luka chapitre 10. Jésus disait mu Luka sura 10. Biblia iko nasema hivi. La Bible dit ceci. Mushikie mbele ya njiko. Écoutez d'abord cette écriture. Bible konasema hivi. La Bible dit ceci. Ni Jésus konasema. C'est Jésus qui parle. Ce qui arriva du temps de Noé. Il est Musari ya 16. Ce qui arriva du temps de Noé. Il est fika mu wakati ya Noa. Arrivera de même au jour du fils de l'homme. Itafika hivyo hivyo na musiku ya mwana wa mtu. Nilipenda sana hii andiko. Les hommes mangeaient. Batu barikuwa nakula. Vive. Na kunywa. Se marier. Et marier leurs enfants. Na kuowesha batoto yabo. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Kufika na musiku ile Noa aliingia mu. Ce qui arriva du temps de Lot. Ile ifika mu wakati ya Lota. Arrivera pareillement. Itafika hivyo hivyo. Les hommes mangeaient. Batu barikuwa nakula. Na kunywa. Acheter. Na kuzisha. Vende. Planter. Bâtisser. Na kujenga. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, lakini siku ile l'autre alitoka Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Vula ya moto na kiberiti ikanguka. Et les fils tous périrent. Na ikabaua bote. Il en sera de même le jour où les fils de l'homme paraîtront. Itakuwa hivyo hivyo na wakati mwana wa mtu ataonekana. Jésus yako na comparer mashiko ya wakati ya Noé. Jésus compare ya l'autre na hii wakati yetu. De l'autre à notre époque. Mais kama unasoma hapa pa hii andiko mbio mbio, si vous lisez vite, utasikia Biblia iko nasema. Vous allez entendre les la Bible. Les hommes mangent. Batu barikuwa na kunywa. Mais kula ni kitu kizuri. Mais manger c'est une bonne chose. Mungu apate mbariki. Ili bife. Barikuwa na kunywa. Kunywa ni kitu kizuri. Boire c'est une bonne chose. Bâtissez. Kujenga. Marier leurs enfants. Kuowesha batoto yako. Kujenga manyumba frère. Construire des maisons mon frère. Kuowesha batoto na kuowana. Marier les enfants c'est marier. Haina kitu kibaya kufuatana na neno ya Mungu. Faites des choses comparativement. Pourquoi Mungu aliweka accent pa hivi vitu? Mais pourquoi Dieu a mis l'accent sur ces choses ici? Ndio mambo. C'est ça le problème. Ndio pale peko mambo. C'est là qu'il y a une question. Pourquoi Mungu aliweka accent paka pa vile vitu? Alors que ni vitu tu vya kawaida. Vile mtu yote mwenye kuishi pa hii dunia anapasha kuria, anapasha kunywa, anapasha kuoa, anapasha kuowesha, anapasha kujenga nyumba. Il doit bâtir une maison. Jésus a weka accent pa hii bibi. Jésus a mis l'accent sur ces choses. Ni juu wakati ya Lot na wakati ya Noé. Ilikuwa sa priorité ku maisha ya bantu. Grande préoccupation des gens à cette époque. Est-ce que tout va mourir? Sommes-nous ensemble? Na, ça a viré du coup et n'a plus la priorité. C'était devenu une priorité zéro. Bantu barishinda. Les gens ont échoué. Mwakati moya moya. À la même époque. Ibi bintu binakuya kumbele ya maisha yabo. C'était devenu dans l'air. Bakuya tena na possibilité. À la première place, il n'avait plus la possibilité. Ya kumushikia Noé avertissement. D'écouter Noé à cause de ses avertissements. Parce que bibi tuibi. Parce que toutes ces choses. Bili bafunga mashikio. Ils avaient bouché les oreilles. Aina kuria kwa kabaila. Ce n'est pas manger qui est vraiment. Aina bukweri kwa kabaila. Ce n'est pas mariage qui est important. Ni kusema bantu. Tanir ces gens. Mioyo yabo yote. Ilikuwa paka mobile bintu. Ils étaient seulement dans ces choses ici. C'est la vérité. Ni kweli. Kuyenga. Bati. Angalia vile bantu wanaangaika mwikizazi. Voyez comment les gens sont très préoccupés dans cet âge. Utashanga. Vous serez étonné. Ni kusema mtu kama anaanza projet hapa. Parce qu'une personne commence un projet. Eko prêt ku sacrifier ta sauti ya Mungu. Il est prêt même à sacrifier. Tu as pas de franga kuisha na projet yake. Qu'il ait l'argent afin de terminer son projet. Ce sont des choses qui se font même parmi les frères qui sont parmi nous ici dans cette vérité. Nikoli. Parce que roi à mon tout frère. Parce que le cœur de l'homme. Aïjibake franca. Ça ne peut pas se rassasier de l'argent. Aïjibake. Ça ne peut pas. C'est qui arrive à l'état de nous. Il est fika mwakati ya no. Arrivera pareillement. Il t'a fika ivye vio na mwi wakati. Maro ya bale bantu. Le cœur de ces gens-là. Bariweka accent sana pa bile bintu. Ils ont mis beaucoup d'accent sur ces choses. Kuria. Manger. Kama unaangalia leo hata mu dunia ya leo. Regardez aujourd'hui même dans ce monde actuel, il a quoi tari. C'est là que se trouve le cœur des gens, ils sont beaucoup attachés à ça. Kuyenga. Construire, bâtir. Maisha ya bien. C'est avoir une bonne vie. Aina kitu kibaya. Ce n'est pas mauvais. Mais kama inakuwa ndio priorité mu maisha yako. Si ça devient vraiment priorité zéro dans ta vie. Ni kusema kuko kitu kimo kinakumanke. C'est-à-dire il y a quelque chose qui te manque. C'est la vérité. Ni kweli. Kuyenga bintu kwa na mamali ya mingi. Bâtir, avoir beaucoup de richesses. Kuyurikana. Être connu. Bile bintu binakuwa binambrie tellement bantu mwikizazi. Ces choses-là embrouillent. Munamna ya kusema sauti ya Mungu. De manière à ce que aina tena na bei mu maisha ya bantu. N'a plus d'importance dans la vie des gens aujourd'hui. Aina tena bei. Ça n'a plus d'importance. Na frère Branham yuko nasema hivi. Mais frère Branham aussi dit. Pala mu message wa certain de Dieu. Toujours dans ce message où on a uhakika ya Mungu. Paragraphe 21. Paragraphe 21. Frère Branham anasema. Frère Branham dit. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Ile tunahitaji leo. Ce n'est pas d'une foule de choses matérielles. Aina kundi ya bitu ya kimwili. Nous possédons cela. Tukunabio. Nous n'avons pas besoin de plus grande église. Atuhitaji kuwa na kanisa munene. Nous n'avons pas besoin de plus grosse congrégation. Atuhitaji kuwa na kundi ya watu wengi. Nous n'avons pas besoin de plus d'émissions à la radio. Atuhitaji kuwa na maémissions mingi. Nous n'avons pas vraiment besoin de plus de ces choses. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituel, ce sont des gens qui s'humilieront devant Dieu et qui prieront jusqu'à ce que cet esprit en eux, il est roi et ne quoi en Dani Yabo, cet esprit en eux, est satisfait par la bonté de Dieu et que dans leur cœur, se produise un réveil qui changera leur attitude et leur atmosphère dans laquelle ils vivent. Est-ce que tu comprends? Sommes-nous ensemble? Qu'il est qu'il quoi qu'à ma foi, Léo. Ce qui est plus important pour que les gens soient plus. Frère Branham, conseil à Nassema. Frère Branham donne les conseils. Ni badaja. Que les frères et sœurs qui doivent s'immigrer vont accepter. Naro ya boyote. Bangozewe na neno ya Mungu. Na bale batakuya kila wakati ku maombi. Mukuomba Mungu. Uwezo ya kimbingu. Ikuye pa maisha ya. Il est Tabasaïdia, Kubatosha tempérament colérique, Kubatosha orgueil, Kubatosha jalousie, Kubatosha haine. Wakati bataikala pale, pakapale mumbingu, atatuma roho yake, il change l'atmosphère. Bantu baile namna. Les gens pareils. Frère Branham, voilà ce que nous cherchons. C'est la vérité. Nikweli. Peut-être n'aurez pas vous une paire de chaussures. Peut-être serez-vous vêtu d'un ayon. Les gens vont te déconsidérer. Mukani zama nakona se wenjo mashikini. Te considère comme un plus. Bantu wote abakone na valeur. Tout le monde ne te considère, ne te prend pas avec valeur. Mungu asipimage valeur ya bantu na mali. Dieu ne peut pas comparer la valeur d'une personne. Mungu asipimage valeur ya bantu na bintu ya pays dunia. Dieu ne peut pas prendre la valeur. Mungu bona pima valeur ya Dieu pèse la qualité à esprit qu'on a mongoza. C'est selon la qualité de l'esprit qui les conduit. Est-ce que tu vas mourir? Angaria frère. Regarde mon frère. Kumbele ya Mungu. Devant Dieu. Aina paka ba ubiri ba nekalaka na fale. Ce ne sont pas seulement des prédicateurs. Aina paka ba diacre ba nekalaka na fale. Ce ne sont pas seulement des diacres qui. Ah bantu benye kuya na magari. Ou les gens qui ont na benye kuya na na ma compte ku banque. Ou qui ont des comptes en banque? Non. Aina ville, c'est pas comme ça. Kumacho ya Mungu. Devant Dieu. Mungu anangaliaka nduku moya. Dieu regarde seulement une Ao dada moya. Ou une sœur. Ule mule muro yake. Pour qui dans son cœur. Eko nangaika. Il est vraiment. Dieu Mungu kuya msaidie. Abadilisha nature yake. Venir l'aider afin de changer ule sa vie. Ule frère wa ville. Ses frères pareil. Na ule dada wa ville. Cette sœur pareil. Kumacho ya Mungu. Devant Dieu. Anapita ba ubiri. Bashipo kuya na ile hali. Les prédicateurs qui n'ont pas. Anapita ba dada bashipo kuya na ile hali. Anapita bene kuya na majipe bashipo kuya na ile hali. Hata kama yuko mkanisa basi wamuyue. Me mumbingo mko mtu anamuyua. Me au ciel il y a un Dieu qui les connaît. C'est la vérité. Nikweli. Pengine konekala kule kumwisho kule. Peut-être il se met là au fin fond. Atamu fête peut-être là-bas m'invite. Même à la fête peut-être on l'invite même pas. Mungu abote mari. Que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu va inviter fête. Pour qu'on t'invite à la fête. Souvent on égale mari au bantu. Souvent il y a des raisons pour lesquelles on va t'inviter. Amen. Hein? Amen. Mungu abote mari. Que Dieu vous bénisse. Mais kunaweza kuya sœur moya. Peut y arriver une sœur. Na dada moya hapa. Mais un frère ici. Ça vile yeye. Comme elle ou lui. Eko na bei sana. Il est très précieux. Kumacho ya Mungu. Au devant de Dieu. Kupita bwingi wa bantu bote hapa. Peut-être pas ça yeye. Peut-être elle. Ndio kuchunga benediction hii kanisa. C'est elle qui garde la bénédiction de cette église. Mais mutu wa bule sana kumacho ya bantu. Mais un ayant devant les gens. C'est la vérité. Nikweli. Mutu wa bule, pardon. Et méprisable parmi les gens. Mutu wa bule sana. Vraiment méprisable. Mungu ashishitukage bintu. Dieu ne fait pas cas des matériels. Mungu ashishitukage mabatiments. Dieu ne fait pas cas des bâtiments. C'est la vérité. Nikweli. Ashishitukake. Dieu ne fait pas cas de toutes ces choses. Ma congrégation elle a bâtiments ya bien. Si y a sur la tête des congrégations de, qui ont des grands bâtiments. Ni ba catholiques. Ce sont des catholiques. Ils ont des bâtiments impressionnants. Ya mingi sana. Nombreux. Na iko na bantu ba mingi sana. Et qu'il y a beaucoup de gens. Mungu ajitukake vile. Dieu n'est pas impressionné de tout ce qu'il y a. Ce que Dieu cherche. Ni maro ile ko na mutafuta. C'est le cœur qui les cherche. Maro ya kuangaika. Le cœur qui sont vraiment. Maro ile ko na penda. La recherche de Dieu. Le cœur. Seigneur. Qui cherche. Utabadilisha hii hali yangu siku gani? Utanishanja siku gani? Angalia misemeo yangu. Angalia vile mimi najibuaka. Angalia kuna miatembeleaka. Wale watu wa vile. Ils sont très précieux au devant de Dieu. Ils sont très précieux. Parce qu'il est hari. Parce que cet état. Frère Branham, dans la question et réponse quelque part. Dans question et réponse. Alors c'est ma disparaître par dunia. Il dit ce cas-là est en train de disparaître dans, sur la terre. Et c'est tout pour moi. Sommes-nous ensemble? Il est hari, il est. Il y a quoi engager Dieu, mon Dieu, changer atmosphère. Il cherche à ce que Dieu puisse changer ton état. Frère Branham, est en voie de disparition. Il qu'on a porté à ça, ça par dunia. Il est hari, des frères et des sœurs ici qui n'ont pas cet état là d'esprit. Même si vous avez une maison gigantesque avec beaucoup de niveaux, vous avez des dizaines de véhicules. Mais devant Dieu, tu ne pèses pas, tu n'as même pas. Tu n'as même pas de grammes. Tu pèses au devant de nous, les humains. Parce que nous, les humains, nous considérons que un homme qui a des poids de la valeur, c'est celui qui a l'argent. C'est selon nous, les humains. Lorsque quelqu'un est chef, il est même un grand politicien de renom. Humainement parlant, vous allez le respecter, vous allez l'honorer. Mais devant Dieu, il est un néant. Il est un néant, un zéro. C'est la vérité. Nicoeli. C'est pourquoi on a dada, frère. Pourquoi vous voyez mon frère? Même si jusqu'à aujourd'hui, dans ton cœur, tu te préoccupes. Tu as besoin de Dieu changer l'atmosphère de ma vie. Change l'état de ton esprit. Tu es vraiment béni. Tu es vraiment béni, mon frère. Toi-même, si c'est ça ton état, marche fièrement en disant, Dieu, aide-moi, que mon état ici ne puisse pas me quitter. Parce que mon Dieu a kubariki wa mwika ni toi. Qui est béni dans cette église, c'est toi seul. C'est toi seul qui es béni dans cette église. Je vous dis en tant que votre frère, cet état-là, Dieu nous a envoyé les prophètes. Cette atmosphère-là, il est Dalil, il est en voie de disparition. Est en voie de disparition. Pourquoi, frère Branham, frère Branham dit, le trône de jugement, dans les gens, est en train de disparaître. Qu'on a porté à la vérité. Est en voie de disparition, Nicoeli. Oui. Dio. Peut-être que vous n'aurez même pas un paire de souliers aux pieds. Sazingina utakuwa tana bilato kumikulu. Peut-être vous serez vêtu de ayons. Sazingina onezu vala tuni tumankamba kamba boule. Tubitu twa boule. Des choses. Et les gens te considèrent comme malheureux, un pauvre. Ah, cette soeur-là exagérée. Chaque semaine, chaque semaine, même si on dit, tu es exagéré. Tu te considères comme de basse classe. Il y a des gens qui considèrent les autres comme ça. Ceux-ci sont de basse classe, les autres sont des niveaux devant les gens. Mais ce n'est pas au devant de Dieu. C'est la vérité. Nicoeli. Du temps de la Bible, il y avait quelqu'un qu'on appelait Maskini Lazare. Être pauvre, ce n'est pas synonyme d'être pécheur. Non. Ce n'est pas un signe lorsque tu travailles que les choses ne marchent pas. On a fait une cage, bien tout compliqué. Tu fournis un effort mais les choses ne tiennent pas. Ni kusema kwa mpagano. C'est-à-dire tu es païen. Non, c'est faux. Ni bia bongo sana. C'est faux cette considération. Mungu wetu huyu. Notre Dieu. Anaweza kukuacha mwile hari. Il peut te laisser dans cet état là de pauvreté due à utukufu yake. Due à utukufu yake. C'est pour sa gloire. Il te laisse c'est ce qui réjouit à Dieu chez toi. C'est cette atmosphère-là que tu es à de chercher Dieu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce qui réjouit. Seulement cette atmosphère que tu as. Ça réjouit tellement Dieu. Mais là, dans votre cœur. Quelque chose chantera les mélodies de Dieu. Frère Branham anasema, Frère Branham dit, je préférerais avoir cela que tout l'or du monde. Tatamania kwa na ile dalili kushindia kwa tanzabu yote ya ulimwengu mzima. Lorsque je lisais Frère Branham, kuona kwa Mungu na kwa bantu ni vitu mbili vya kwanza. La façon de voir de Dieu est celle des gens. Sasa Mungu yeye, Dieu lui, Lorsqu'il voit quelqu'un qui se préoccupe, qui a besoin que Dieu puisse le venir en aide, Frère Branham dit, j'aime avoir un esprit pareil, plus qu'avoir tout l'or du monde. Maintenant, regarde ta préoccupation dans ce monde ici. Est-ce que ton cœur est comme cela? Ton cœur à toi, ma sœur, est comme cela? Est-ce que ton cœur, lorsque tu t'assures là, est-ce qu'il se bat contre ton esprit là, contre ton esprit méchant là? Lorsque tu regrettes, lorsque tu pleures, est-ce que ton cœur est dans cet état là? Aussi longtemps que ton cœur est comme ça, demain qu'un mangerons-nous, même si on te donnait toute la richesse du monde, et si tu mourais, tu es perdu. Qu'est-ce que tu as gagné? Ou t'as pâti à monini? Tu n'as rien gagné. Frère Branham, j'aime un esprit pareil. Kupita tama zabu ya dunia mujima. Plus que tout l'or du monde entier. Moi également, je l'aime cet esprit. C'est la vérité. Nikweli. Moi aussi j'aime cet esprit. C'est un bon esprit. Parce que ni esprit à baraka. C'est un esprit de bénédiction. Lorsque quelqu'un il se préoccupe tout à intervenir. Chaque jour en train de gémir vraiment. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Ni baraka. C'est la vérité. Nikweli. On ne peut donc pas affirmer que les choses matérielles soient toujours le signe de la bénédiction de Dieu. Non. Non. Ou être pauvre. Cet homme est pauvre. C'est comme s'ils sont maudits. Non. Il y a d'autres personnes à cause de mépris. Lorsqu'il voit quelqu'un qui a tellement souffert, à côté là, il commence à dire. Mais malgré ça, hein? C'est comme s'ils sont maudits, ces gens. Ah! Que Dieu te pardonne, que Dieu te pardonne, ma soeur. C'est la vérité. Nikweli. Il ne faut pas dire comme les choses matérielles. Tu en as autant. Tu es venu. Non. Si c'était à cause des matériels, mais Obama devait aller au ciel alors. Bah, Trump. Même les Trump. Tu sais c'est-à-dire, ils sont sauvés. Bill Gates. Les Bill Gates. Ah, ben, et les autres des réseaux, je ne connais même pas. Ils sont multimilliardaires. Ils sont des multimilliardaires. Il devait alors aller au ciel à cause des matériels. Il n'y a rien. Amuna kitu mubile biote. Kitu kenewa kama foi. Ce qui est très important. C'est avoir Jésus-Christ dans ta vie. Nikuwa na Yesu Kristo mumaisha yako ni kweli. 24 mina sauté. Je saute. Nous considérons les choses comme allant de soi. Nous pensons que simplement parce que nous sommes une nation. Tunawazia sema sa vile tuko taifa. 25. Le Dieu du ciel Mungu wa kumbingu est encore le même Dieu aujourd'hui. Tous nos efforts et ces grandes choses que nous essayons de faire, na ibi bitu byote bile tukunapima kufanya, Dieu ne sera jamais satisfait par autre chose Mungu hawezi kufurahikia na kitu kingine qu'une vie entièrement consacrée devant lui. Isipokuwa tu na maisha yenye kujitolea kabisa kabisa kwake. Ni kusema kwa maisha yako frère, kwa maisha yako dada, mubyote bile qu'on a foigné dans tout ce que tu fais, mukanisa au musite, que ça soit à l'église ou à la cité, hakuna kitu kinaweza kufurahisha Mungu, il n'y a rien qui peut plaire na kile kinaweza kutuliza roho ya Mungu pa maisha yako, qui peut tranquilliser au maisha ya kujitoa, comme l'esprit de te consacrer à Dieu. Hakuna. Il n'y en a pas d'autre. C'est la vérité. Nikweli. Une vie consacrée. Maisha ya kutolea. Vous allez voir quelqu'un qui vit kujikaza, de manière à se consacrer Mungu zangu, afin de ne pas offenser Dieu, yake, même dans son langage. Jikaza sana. Il s'efforce de ne pas offenser Dieu. Kile Mungu kuna pe. Voilà ce que Dieu cherche. C'est la vérité. Nikweli. Nikitu kia mafasa. C'est la chose la plus importante. Il continue en disant, nous aurons beau construire des écoles, tunaweza kuyenga masomo, les lieux de pèlerinage, na fazi ya kuwezi kutembelea, et les tabernacles, na mamaskani, nous aurons beau avoir des organisations, tunaweza kuwa na matengenezo kachana chana, avoir fait de grandes choses, wana na kufanya bitu bikubwa, mais néanmoins, ata vile, Dieu ne sera pas satisfait, Mungu hawezi kufurahikia, tant que l'âme humaine, wakati ile nafsi ya mtu, ne deviendra pas sanctifiée, haitakasiwi, sur l'autel de Dieu est consacré aux œuvres de Dieu, on n'en trouve plus cela. Des choses paraissent de se consacrer devant forme religieuse. Mais il est consécration. Il y a quelqu'un qui se bat pour que la nature divine il est rare. C'est devenu très rare. C'est pourquoi on en allait. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui. Les gens, malgré que vous leur parlez de Dieu, ça ne pèse pas. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce que les gens sont préoccupés par les choses. Ils vivent dans les péchés. Ils font toutes les choses. Mais si, dans leur cœur, il ne peut pas y avoir d'assurance. Non. Parce que la Bible Moi, Jean chapitre 3. Yohane wa kwanza sura Bible ya la Bible dit ceci. Je vais aller un peu vite. Nous avons kimbia nayo. Notre temps. Tumilinde tunabakia tuloko. Jean chapitre 3 verset 21. Bible inasema. La Bible dit: bien-aimé, vapendwa, si notre cœur nous condamne. Kama moyo wetu inatuhukumu. Ananzia hivi. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, papendo, kama moyo wetu haitukumu, minanziamu 20. 20. Car, kwani, si notre cœur nous condamne, kama moyo wetu inatukumu, Dieu est plus grand que notre cœur. Mungu ni mkubwa kushinda. Et il connaît toutes choses. Na anajua vitu vyote. Bien-aimé, papendo, si notre cœur ne nous condamne kama pas, moyo wetu haitukumu, nous avons de l'assurance devant Dieu. Manake pale tuku na hakikisho mbele ya Mungu. Que quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements. Et nous faisons ce qui lui est agréable. Est-ce que tout va bien? Sommes-nous ensemble? Mourons-nous mouko plein de condamnations. Si dans le cœur, mwenye kuyala majukumu, amweze kuya imani, il ne peut pas y avoir la foi. Itatokea wapi? Ça viendra d'où? C'est compliqué. Il a quoi en goût, vous? Frère Branham, on a semé la foi parfaite. Frère Branham dit ceci, mon imani kamilifu. La foi parfaite. Maubiri imani kamilifu. Paragraphe 67. Nukta yake makumi sita saba. Eko na sema hivi. Il dit ceci. On a semé, mais. Alakini. Aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses. Wakati yote loko nafanya bitu bibaya. Vous ne pourrez pas vraiment avoir de l'assurance devant Dieu. Awezi kamwe kuwa na hakikisho mbele ya Mungu. Ainsi, Ivibasi, vous saurez automatiquement que vous êtes dans l'erreur. Vous remettez automatiquement à la place d'un pécheur. Na pale pale ya mutenda zambi. Si vous savez que vous êtes dans l'erreur, Mungu apate kumbariki. Que Dieu vous bénisse. Wakati yote unasikia condamnation. Aussi longtemps que vous sentez des condamnations. Mutu le mwenye kuya. Souvent, et qu'on a jusqu'à ma condamnation. Tout homme qui sent chaque fois ma djoukoum. Asiweze kuya na imani muneno ya Mungu. Il ne peut pas avoir la foi dans atakama unamuombea. Même si vous priez sur lui. Asiweze kuamini kintu. Il ne peut rien croire. Mungu apate mbariki. Que Dieu vous bénisse. Ataamini nini? Il va croire en quoi? Ata unamuombea même roho yake mko condamné. Même si vous priez sur lui. Il est condamné sur son roho yake. La condamnation qui est dans son cœur. Nikuseme kuna muonesha kusema yeye na Mungu hapana. C'est-à-dire ça lui montre que lui na kama mtu anavumbula kusema yeye na mtu fulani hapana bien. Si découvre que lui avec telle personne n'est pas. Atashindwa hata kumfuata juu kusema msaidie kintu. Il ne peut même pas le suivre pour lui. Nikuna muonesha bitu mimi kwa naturel tu mkomprendre. Je vous dis des choses qui sont naturelles. Kama roho yako uko conscient. Si dans ton cœur tu connais. Ya kusema unamfanishia frère. Nani frère, ni mzee, unamfanyia mzee kitu kibaya. Tu as causé du tort à mzee. Ataka mako mumagumu. Même si tu es en difficulté. Utashinda kumfuata ya kusema sema unisaidie. Tu ne peux pas le suivre pour lui demander l'aide. Ndio vile binekalaka. C'est comme ça que ça s'est fait. Mungu apate kubariki. Que Dieu vous bénisse. Utashinda. Muroho yako utajua ya kusema. Tu sauras bien que ashinda ni recevoir bien. Ndio ma question utakuwa nayo. Voilà les questions. Bila bitu biko nafanika mu mwili. Biko nafanika na mukiroho. Physiquement ça. Kama muvi yako ku plein na ma condamnation. Si ton cœur là tu es. Ata Mungu anasema promesse kani. Si Dieu prononce. Hautaamini aka na roho yako yote. Tu ne peux pas le croire de tout ton cœur. Hautaamini. Tu ne peux pas le croire. Parce que kila wakati chaque fois utaanza kusema ni sasa niko mpagano. Tu vas commencer à dire non, moi je suis seulement païen. Utaamini je? Comment est-ce que tu peux croire? Tu ne peux pas croire. Hawezi kuamini. Joma gumu leo iko pa dunia hii. Voilà la difficulté que nous avons sur la terre. Bantu beko na shida kupokea Roho Mtakatifu. Les gens échouent. Ni tu beko na ishi mu conflit na Mungu. C'est parce qu'ils vivent en conflit avec Dieu. Beko na ishi mu adui na Mungu. Ils vivent à nini mi. Na maro ya beko conscient. Et même leur cœur le savent bien. Maro ya beko conscient. Leur cœur le savent qu'ils sont en inimitié avec. Parce que kama kuna fanya vitu vibaya. Si tu fais des choses. Hawezi kama kupata imani. Tu ne peux jamais avoir la foi. Hata tunaomba. Même si on priait. Hata tunafunga. Même si nous jeûnons en prière. Hakuna. Jamais. Parce que mambo ya Mungu ni mambo ya mapendo na mambo ya kutumainiana. Ah, les choses de Dieu c'est avoir l'amour et avoir de l'espérance. Namna kana utamtumainia Mungu. Comment est-ce que tu peux espérer en Dieu? Ule wewe unajua kusema kuna imambo. Que tu sais que tu as des problèmes avec lui. C'est que comme tu unaenda bakombe. Même si tu allais combler. Uko naenda tu même roho yako hauna propre. Tu y vas mais dans ton cœur tu n'es pas propre. Hauna propre. Tu n'es pas propre. C'est pourquoi uko naona leo hata banaombea bantu. Tu vois même si on prie sur les gens. Biko sabe tu abishanje. C'est comme si les choses ne changent. Ah, non. Mungu Dieu, il est toujours le même Dieu. Et comme Mungu le même. Ane kanaka toujours na opérer ma miracle. Mais ata opérer ku bantu kani benya ba mutumainie. Comment est-ce qu'il va opérer sur les gens qui n'espèrent pas en lui? Sur les gens qui n'espèrent pas en lui. Angaria frère. Me regarde. Frère Branham continue en disant. Paragraphe 68. Anzema, la seule chose que vous devez faire. Kitu kimoja kile muripashe kufanya. C'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Ni kwa na imani kujiamini kile uko. Pale ndianza kusoma mimi nasema c'est la vérité. Ah, lorsque je dis c'est la kweli. Anzema kia kwanza. Premièrement. Ni kuya na imani mukile wewe iko. Avoir foi en ce que vous êtes vous. Mbele wewe kuamini Mungu asema anatunzaka. Avant de croire que Dieu guérit. Mungu anakalamu kuisha mamambo, Mungu anakolaka na Roho Mtakatifu. Frère Nama anasema ni kuamini kwanza kile wewe iko. D'abord il faut croire en ce que Sasa, vous êtes. Sasa wewe ujiulize mule mu roho yako. Il faut te poser la question. Uko nani? Il y a qui dans ton cœur? Tuko pamoja? Sommes-nous ensemble? Ah, kila mtu anapasa kuwa na imani ya kile iko. Ni kusema ile imani yako nayo. Ndio yako na mpermettre kuamini na Mungu. C'est ce qui va le permettre même à croire en Dieu. Kuwa na imani ya kile wewe iko. Avoir foi en ce que vous êtes. Chez tunaweza kuapprécier. Nous pouvons t'apprécier. Mais wewe mule muro yako frère, mule muro yako dada. Au fin fond de ton cœur là. Uko nani? Qui es-tu? Vile onekalaka mkuamini. C'est que tu crois. Unaamini hata sema huko mkristo au huko nani? Est-ce que tu crois que tu es un chrétien? Toi-même tu as la réponse. Si tunaweza kukuita frère. Dada, tunakuita mtu wa Mungu. Tunakuita Mungu atutumia mtumishi kweli. Nous envoie un véritable. Ouais, toi-même là. Ouais, munye ndani yako. Tu crois que tu es qui? Ah, qu'est-ce que tu crois en toi-même? Huko naamini nasema uko nani? Tu crois que tu es qui? Utaamini Mungu mbele ya jamii na tawepe. Est-ce que tu vas croire en Dieu avant de commencer par croire en toi-même? Mbele ni kujiamini huko nani wewe? C'est croire en toi-même, avoir foi. Wewe peko unapasa kujiamini. Ya kusema je suis sauvé. En toi-même, ya kwamba ni shauri. Na ile imani uko nayo. Haina imani ya mkinywa. En toi-même, c'est ni imani kunatoka mu experience ulifanya. Mais c'est une foi qui vient de l'expérience que tu as déjà. Bantu ba ile namna. Déjà parlé. Manegalamu kuamini ni biote. Il croit en tout. Sauti ya Mungu yote. Tout en tout. Na kama anayamini inajirealize mu maisha yake. Ça va se réaliser. Mbele ya kuamini Mungu. Avant de croire. Unapata mbele kuamini kile wiko. D'abord tu dois avoir foi. Kutosha mbele bitu nakuitaka frère, tunakuitaka sœur. Alors c'est que nous t'appelons. Uko fulani au fulani mu kanisa. C'est là dans l'église. Mule mupana ya roho yako. De ton cœur là. Ile esprit ko ndani yako. Inakuambia kasema uko nani? Ça te dit que tu es qui? Mettons-nous debout pour la prière. Nous allons continuer. Comment est-ce que tu peux être certain de Dieu pendant que... Aussi longtemps que tu doutes d'abord de ta foi. Si tu vois que tu vas mettre en question ta foi, c'est que ta vie n'est pas correcte. C'est la vérité. Hein? Ta vie n'est pas correcte. Tu ne seras jamais certain de Dieu. Oh. C'est la vérité. D'abord, tu dois croire en ce que tu es. Moi ici, je suis un chrétien. Toi-même, tu connais ce que tu fais en secret. Ce que les gens ne voient pas. Ce sont ces gens qui te disent que tu n'as jamais été chrétien. Ces choses-là te disent Mania, tombe mon prions.